Chapitre 7e, John Dudley, yachtman milliardaire. Dès l'arrivée des deux détectives à Nice, ceux-ci avaient avantageusement mis à profit leur avance sur les trois voyageurs qui allaient les suivre de près à 2 jours de distance. Le premier soin de Bjork avait été de se rendre au Continental Hotel, où il savait, du milliardaire lui-même, que celui-ci devait descendre. Au bureau du somptueux palace, un scribe l'informa que Mr. Dudley, de New York, avait annoncé sa très prochaine arrivée, retenant un appartement pour sa fille et pour lui. Un ami les accompagnait et choisirait sa chambre sur place. Le milliardaire avait ajouté ne pas savoir exactement de quelle durée serait son séjour à Nice. Il avait tout récemment fait l'acquisition d'un yacht, le Cynthia, qui se trouvait ancré dans le port et venait en prendre possession et très probablement ne tardera-t-il pas à partir avec des amis faire une croisière en Méditerranée. En tout cas, et jusqu'à nouvel ordre, il se proposait de faire de Nice sa base et son port d'attache. Le vieux limier et son jeune ami n'avaient pas besoin d'en savoir davantage. Ce qu'ils venaient d'apprendre leur suffisait amplement. Ils tombaient sous le sens, bien évidemment, qu'anxieux de satisfaire les désirs immédiats de celui qu'il envisageait déjà comme son beau-père, impatient aussi de gagner les bonnes grâces de Liliane, dont il ne s'expliquait pas la sourde hostilité. Le roué Santonelli s'était efforcé de courir au plus pressé, en procurant un yacht au milliardaire. Il avait dû avoir vent à Paris de quelqu'un de ces bateaux de plaisance qui seraient à vendre et en 5 secs avait bâclé l'affaire. Le palais, demeure seigneuriale que ce brave roi des conserves alimentaires rêvait d'acquérir quelque part en Italie, viendrait ensuite. Ce n'était pas la chose bien difficile à découvrir. « Allons toujours voir le Cynthia, glissa Bjork à l'oreille de Farrell au sortir du Continental Hotel. Nous en apprendrons peut-être plus long de ce côté. » Les deux policiers n'eurent pas longtemps à chercher dans le port avant de repérer le yacht. Il était amarré à quai et l'on pouvait y voir l'équipage, très restreint à dire vrai, qui s'activait à lui donner un sérieux coup de nettoyage. On lavait le pont à grande eau, l'asticage des cuivres y était poursuivi en hâte, et toutes les boiseries, panneaux, portes de cabine ou de salon, rampes d'escalier, luisaient au soleil de la couche de vernis dont on venait de les enduire. Tout ceci se passait sous la surveillance du capitaine qui se montrait prodigue d'ordres et d'instructions. Comme il descendait à terre, examinant d'un regard expert l'aspect du bateau, Bjork s'approcha et d'un salut poli l'aborda. « Vous vous préparez à pareiller, capitaine ?» L'autre se retourna vivement et voyant 2 étrangers, les accueillit l'air affable. C'était un homme entre 2 âges, au visage hâlé, mais qui n'avait rien des loups de mer traditionnels. Tout de suite, il les renseigna. « Non, nous n'apparions pas encore. » Puis, secoué d'un bon rire, il ajouta « Il faut bien d'abord que je fasse la connaissance de mon patron. » « Comment cela, vous ne le connaissez pas ?»« De nom, si, bien sûr. C'est un richissime Américain du Nord, M. John Dudley. Ça me change du patron qui, au début, m'avait engagé. Un Sud-Américain, celui-là, le Seigneur Albufeira, un planteur du Brésil. Un chic type qui ne regardait pas la dépense, je vous assure. Dommage qu'il ait eu la fâcheuse idée de venir se ruiner en France où il a fini par se suicider. Vous savez ce que c'est ? Le jeu, la bourse, les spéculations désastreuses, la grande fête enfin, les poules. » Si bien qu'avant de mourir, il laissa le Cynthia en héritage à sa dernière maîtresse, une star de ciné, Gaby Massin, vous devez connaître ça. Oui, oui, j'en ai entendu parler, intervint Roman Farrell. Elle a même été une des vedettes de l'écran. Ah, une bien bonne fille, allez. Un peu olé olé, c'est entendu, mais c'est là tout le mal que je peux en dire. Le jour qu'elle a pris possession du Cynthia, elle était avec toute une bande joyeuse et m'a dit « Capitaine Berton, vous resterez ici avec tout votre équipage, aux mêmes appointements et salaires que du temps du seigneur Albufeira. Et prenez bien soin de mon rafio, parce que moi, je n'y connais que Nib. » Elle avait dit ça que c'était comme une rigolade, et là-dessus, ce fut son baptême de yachtwoman, un baptême au champagne que je ne suis pas prêt d'oublier. Les premiers temps, toi là, à merveille. Et puis les mauvais jours sont arrivés, ma patronne dut se résigner à vendre le Cynthia. On ne trouvait pas qu'erreur. Avec ça, les frais qui couraient toujours. J'ai dû réduire l'équipage à sa plus simple expression. Bref, c'était la fin de tout, quand hier soir, voilà que je reçois 2 télégrammes. L'un de Mademoiselle Massin, m'apprenant qu'elle avait vendu ce yacht à M. John Dudley, qui en était maintenant propriétaire, l'autre de mon nouveau patron m'annonçant qu'il serait 3 jours plus tard à Nice, où il venait prendre possession du Cynthia. Je l'attends donc, et pour qu'il trouve tout en parfait état, j'ai fait donner un magistral coup de fion au rafio, comme disait la star. Le capitaine Berton invita les 2 étrangers à visiter le bateau dont il avait le commandement. Ses explications semblant les avoir intéressés, et l'eau se sépara sur le champagne que Bjork avait envoyé l'un des hommes d'équipage chercher à terre. « Décidément, déclara le vieux détective, tandis qu'ils regagnaient leur hôtel, plus modeste de beaucoup que le Continental, la chance jusqu'à présent nous a été favorable dans nos investigations, Farrell. Nous sommes dans une passe heureuse. Il est à souhaiter qu'elle continue. Pour l'instant, il est de toute nécessité que l'on ne nous rencontre jamais ensemble. Nous ne nous connaissons pas. Surveillez le Continental, sans vous faire remarquer, et dès qu'en soudoyant le portier, vous saurez que Dudley est arrivé, accourez me prévenir. » Le père de Lillian ne manquera pas d'être heureux de retrouver ici son vieil ami, le colonel Charlie Mitchell, et le tour sera joué. Découvrir alors quand le marquis se mettra en quête d'un ancien palazzo de patriciens, de quel côté il se dirigera, ne sera plus qu'un enfantillage. Vous pourrez aussitôt prendre l'Italien en filature. J'ai idée, en effet, qu'en sachant bien y faire, vous apprendrez du nouveau. En tout cas, il ne vous connaît pas et ne pourra se douter qu'on le file pas à pas, le suivant tel son ombre. Ce plan d'attaque ne vous semble-t-il pas le meilleur? De tout point, Bjork, et vous savez bien que jamais je ne vous critiquerai. Aussi me conformerai-je scrupuleusement à vos instructions. Oh, elles sont bien simples. Vous prendrez notre homme en filature. De l'instant où, au sortir du Continental, il ira prendre le train et vous ne le quitterez plus d'une semelle. Souvenez-vous que notre homme est un rude compère. Gardez-vous donc qu'il se devine surveillé, épié dans tous ses mouvements. Il ne faut pas que dans la suite, il puisse vous reconnaître. Ceci est capital, car vous serez bientôt appelé à remplir auprès de moi le rôle de secrétaire. Nous atteignons, si je ne me trompe, le point culminant de cette peu banale affaire. Luciano est enveloppé dans un filet dont les mailles vont de plus en plus en se resserrant et le jour viendra enfin où il sera pris au piège. À mon avis, Santinelli doit se rendre compte qu'avec Lillian Dudley, il a perdu la partie. La petite ne l'aime pas et quoi que fasse son père, ne consentira pas à devenir la femme du marquis. Il ne reste donc plus au noble ruffian qu'à jouer sa dernière carte et c'est ainsi qu'en se trahissant par quelques fautes, nous l'aurons. Et cette carte serait, interrogea Farrell. Qui sait? Quelques coups formidables, une rafle de bijoux de prix, parmi les riches invités du milliardaire. Il est coutumier du fait. Rappelez-vous le vol de Berkeley Square. C'est joyeux de Lady Desmond qu'on n'arrive pas à retrouver et dont il ne sait certainement pas encore des faits. Un autre vol de même importance lui permettrait de disparaître de la circulation et de liquider le tout d'un seul coup. Ah, si nous pouvions le prendre en flagrant délit, quel beau succès! À nous deux, vous et moi, Farrell, si nous ne parvenons pas, nous ne sommes que des mazettes.